Sabotage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Alors ce soir, on est en direct avec Lu, Yentel et à la technique. Coucou, c'est Henri. Et voilà, et du coup, pile. Ce soir, on va être ensemble jusqu'à 22h environ. Et on va essayer de retracer un peu les luttes des prisonniers dans les années 90. Bon, ça, c'est notre titre général, on vous en dira un petit en peu gros, plus après. Et on va commencer par des infos de l'actualité de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, autour de la prison, mais pas que. Donc moi, je vais commencer par ce qui s'est passé à la maison d'arrêt de Nîmes le dimanche 18 mai. Pour contre la surpopulation carcérale et dénoncer les conditions de détention, une cinquantaine de prisonniers sont restés dans la cour de promenade de 17h à 22h, ce qui était déjà le cas en septembre dernier, où ils avaient été une centaine à refuser de retourner dans leur cellule pour les mêmes raisons. À la prison à la maison d'arrêt de Nîmes, le taux d'occupation dans le bâtiment des femmes est de plus de 300%. Et de plus de 260% dans celle des hommes. Donc, dans la presse, les faits divergent entre les détenus qui ont regagné leur cellule un peu avant 20h, pacifiquement, mais qui parlent de l'arrivée d'Eris, et ceux qui ne parlent même pas des Eris. Et ceux qui disent qu'il y en a eu vers 22h ou minuit. Donc, il y a des Eris qui sont montés de Toulouse et de Marseille. Et a priori, il y a aussi des flics nationaux des commissariats du Gard qui ont été mis autour de la prison. Donc on dirait que ça a bien flippé du côté de la matonnerie. On espère que la répression n'était pas trop hardcore. Et si voilà, vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les envoyer si vous voulez qu'on les partage. Et là, on passe à toutes les joyeuses propositions, c'est vraiment ironique, hein, joyeuse, de Darmanin. C'est ça. Pour pas que vous entendiez trop de fois ces conneries et qu'ils prennent trop d'importance, on a mis toutes les dernières dingueries de Darmanin ensemble. Il veut... Bon, comme tous les gardes des Sceaux les uns après les autres, réformer la justice. Il annoncera publiquement d'ici le 14 juillet des réformes qu'il veut mettre en place avant la fin du quinquennat. Une de ses mesures phares pour désencombrer le travail de la justice serait l'instauration du plaidé coupable en matière de crime. Si la personne mise en cause reconnaît les faits et que la victime, le procureur et le juge sont d'accord, l'audience ne serait alors pas publique. Une autre de ses propositions, c'est d'imposer une peine minimale pour les personnes qui passent devant la justice, pour ce qu'il appelle de la délinquance du quotidien. En gros, le juge serait obligé de mettre une sanction prévue par le code pénal, quelle que soit la situation de la personne qui est jugée. Bon, vous le savez sans doute déjà, la France est pas mal jugée pour le nombre plus important de personnes enfermées que le nombre de places en cellule. Du coup, tous les ministres de la justice y vont leurs propositions. Les organisations non gouvernementales aussi. Elle propose de faire de la place en libérant certains prisonniers, comme ça a été fait pendant le Covid, en avançant, spoiler alerte, que ça n'a pas augmenté le taux de délinquance dans la société. Mais Darmanin, lui, il n'est pas chaud de ça. Il préfère que soit accélérée la construction de places de prison. En même temps, logique, ça permet aux copains Vinci, Bouygues et autres de se faire de la maille. Sa seconde solution est encore plus simple, elle consiste à expulser les prisonniers étrangers des prisons françaises. Macron, lui, a évoqué l'idée de louer des places de prison dans d'autres pays. Ça s'est déjà vu par exemple en 2015 aux Pays-Bas, qui a enfermé des prisonniers norvégiens, ou plus récemment en 2024 au Kosovo, qui a enfermé des prisonniers du Danemark. Une autre grosse mesure, c'est de faire sauter la peine de sursis, c'est-à-dire faire sauter le concept de la peine épée de Damoclès, qui peut tomber dans certains cas Cette mesure passe, il resterait l'amende, la probation, l'interdiction et l'obligation, et bien sûr l'emprisonnement. Une autre de ces idées, c'est que si la personne accusée n'est pas en situation de récidive, il n'y aurait pas de peine d'emprisonnement prononcée, dans les cas de violence aux biens, délinquance financière ou routière. Pour continuer, mais je vous le promets, j'ai bientôt fini, sur les annonces de Darmanin, il s'est fait retoquer sa circulaire par le Conseil d'État. Elle prévoyait d'interdire les activités ludiques en détention. Pour lui, ludique, c'est ce qui ne concerne pas l'éducation, la langue française ou le sport. Sa circulaire a quand même eu pour conséquence l'arrêt de plus de 150 activités depuis février dans 70 prisons. Sachant que cette circulaire apparaît juste après que le syndicat Force Ouvrière, pas content que des étudiants esthéticiens viennent faire des masques à des prisonniers le jour de la Saint-Valentin à la prison de Seyss à côté de Toulouse, et écrit un tract. Ni une ni deux, Darmanin pond cette circulaire qui aura quand même institué qu'une activité qui porte atteinte au respect dû aux victimes peut être interdite dans les prisons. Et on continue sur les idées de Darmanin. Ouais, donc une de ses dernières idées très médiatisées la semaine dernière, c'est celle d'ouvrir une de ces fameuses prisons de haute sécurité en Guyane. On avait déjà parlé en avril d'un projet de construction de prison de 500 places à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc Darmanin l'a choisi pour abriter un de ses QHS modernes avec la prison de Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil. Donc le quartier de haute sécurité dans cette prison sera réservé à des narco-bandits, comme il appelle ça, et des personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou des dits radicalisés. Et il faut dire que à Saint-Laurent-du-Maroni, ouvrir une prison dite de haute sécurité là-bas, ça a quand même une symbolique particulière, puisque cette ville a abrité un bagne entre 1850 et 1938. Et c'est pas non plus anodin du fait que Darmanin a évoqué ces derniers mois une possibilité de réformer le droit du sol en Guyane, en plus de le faire à Mayotte, donc en bon gestionnaire colonial. Ouais, et on continue un peu sur la répression en prison. C'est ça, le sensationnalisme ou ridicule de l'État n'a plus de limites. Hier, l'opération Prison Break a conduit à la perquisition d'au moins 500 cellules dans 66 prisons afin d'espérer trouver des petits téléphones qu'utilisent les prisonniers au quotidien. De même, un site de revente de ces téléphones a été perquisitionné hier. Il y a aussi une procédure contre des revendeurs de ce type de téléphone en Seine-Saint-Denis. Selon l'État, ces téléphones sont utilisés par des prisonniers pour continuer la vente de stupéfiants depuis l'intérieur des murs. Mais ces téléphones servent aux prisonniers pour communiquer avec leurs proches. Force à tous les prisonniers et ceux dont la cellule a été perquisitionnée. Et on continue par une bonne nouvelle. Ouais, une petite parenthèse un peu plus légère, une belle histoire de cavale. Le 30 avril dernier, à la prison de Gradignan près de Bordeaux, un détenu a été libéré par erreur à la place d'un autre prisonnier qui avait un nom de famille presque similaire. Le prisonnier aurait réalisé l'erreur des matons, mais a quand même affirmé qu'il était le détenu concerné qui devait être libéré dans les heures à venir. Il s'est depuis volatilisé et quelques heures après sa libération, le bon détenu a aussi été libéré, donc deux libérations pour le prix d'une. D'ailleurs, l'homme qui est parti en cavale n'a pas grand-chose en commun avec son co-détenu. Ils n'ont ni la même morphologie, ni le même prénom, ni la même nationalité. Seule une lettre diffère dans leur nom de famille qui peuvent se prononcer de la même manière. Et comme il a été dit sur le blog d'Ingrid, une enquête administrative a été ouverte. Mais est-ce qu'on a besoin d'une enquête pour savoir que les matons sont complètement cons? Bon, a priori, il n'a pas encore été retrouvé, donc bon vent à lui. Oh, on espère que d'autres erreurs de ce type se reproduiront. Moi, je voulais vous parler d'une évasion qui a eu lieu à Koné, en Kanaky. Il y a 5 personnes qui sont évadées dans la nuit du 12 au 13 mai. Alors, c'est une nuit un peu symbolique où il y a eu pas mal de renforts de keufs dans toute la Kanaky, parce que c'est le moment où, l'année dernière, il y a eu le début des révoltes. Donc, en fait, l'alerte, elle a été donnée le lendemain matin, parce que les matons ont vu des taches de sang. Et donc, pendant ce temps-là, pendant la nuit, ils se sont échappés de leurs cellules. Ils ont escaladé une enceinte d'environ 5 mètres sans être vus. Et deux personnes ont été retrouvées assez rapidement parce qu'elles ont appelé les pompiers. pour l'un des deux qui a été blessé parce qu'elles n'ont pas réussi à contacter des proches. Donc, elles sont passées en comparution immédiate la semaine dernière et ont été jugées à Nouméa pour évasion avec effraction et tentative de vol d'une voiture. Au procès, elles ont dit vouloir partir car on leur avait promis un transfert à Conakry pour avoir des formations qu'elles n'avaient pas eues. Et aussi, on a eu un peu des infos de comment elles ont fait, mais le procureur a dit qu'il ne fallait pas trop en donner pour pas que ça donne des idées aux autres. Donc, on sait qu'il y a eu une fourchette, des couvertures et le mobilier de la cellule qui a été utilisé. Et ce même procureur a demandé 3 ans et 4 ans de prison, entre autres parce qu'il avait permis à d'autres de s'évader. Les trois autres se sont évadés 2 heures plus tard et n'ont toujours pas été retrouvés, donc bonne chance à eux. Et donc, pour montrer aussi l'exemple aux autres détenus, pour que tout le monde se rappelle que ce n'est pas un gruyère la prison, quoi. Merci le procureur. Et ils ont pris 18 mois ferme pour l'un et 2 ans pour l'autre. Donc c'est cher les payer l'évasion où tu te rends. On espère en tout cas qu'ils ne subiront pas de transfert vers la métropole, souvent utilisé comme un moyen punitif. Et ce dont on va parler d'ailleurs maintenant, dans un extrait du texte du collectif Solidarité Kanaky, dont je vais vous lire quelques extraits. Alors en fait, ce texte qui est sorti mi-mai, et donc c'est un collectif qui appuie les luttes du peuple kanak pour son autodétermination et l'indépendance de la Kanaky. Et il y a eu un groupe de travail qui a été fait autour de la prison et de la répression des personnes qui subissent... Et donc, ils ont écrit un petit texte pour rappeler un peu la situation. Et j'avais envie de vous en lire des extraits. On le mettra en entier sur le blog. Donc voilà. Alors, contre l'insurrection kanak, mutinerie camp Est. Depuis mai dernier, la répression coloniale s'est abattue de plein fouet sur les insurgés en Kanaky. Plus de 3000 personnes ont été interpellées. L'objectif a été dans un premier temps de ficher tout le monde. Il y a eu environ 2500 gardes à vue, 500 déferments en comparution immédiate, beaucoup sans avocat ou avec des commis d'office non indépendantistes, plus de 200 mises en détention préventive, près de 500 peines alternatives, tiges ou avec privation de liberté ont été prononcées. Ça rend compte aussi de la répression, des blessés qu'il y a eu, et aussi d'environ une douzaine de Kanaks qui ont été tués, soit par les milices, soit par... les gendarmes. Et voilà, les mobilisations ont aussi eu lieu à l'intérieur des prisons, contre les conditions de vie et en soutien à l'extérieur, en tant que partie du mouvement contre la loi sur le dégel du corps électoral. Plusieurs mutineries ont éclaté dans la prison de Nouméa, le camp Est, notamment avec un tiers des cellules brûlées. Dans un réflexe colonial toujours plus répressif, la France a envoyé 3 unités pour mater ces mutineries, le RAID, le GIGN et les ERIS. Leurs interventions à l'intérieur de la prison de Caen Est a été extrêmement violente, avec plusieurs prisonniers blessés. Plusieurs témoignages de prisonniers font même état de la mort d'un jeune d'une vingtaine d'années, originaire de Canala, suite à des coups reçus. Et donc, ensuite, il y a eu tout un processus de déportation. Donc, en juin, il y a des militants de la CCAT qui ont été mis en examen. Et si un peu ces militants ont été soutenus assez rapidement... Il y a aussi plein d'autres détenus qui ont été déportés, donc 69 depuis mai 2024 dans une quinzaine de prisons, donc depuis un an. Ils ont été déportés du jour au lendemain avec l'impossibilité une fois arrivés d'avoir accès au minimum pour vivre, vêtements, argent, contact avec les proches, les avocats. Et donc ensuite, dans le texte, ils racontent un peu le processus de comment ils ont retrouvé le nom d'autres prisonniers kanaks. Et qu'ils ont suivi déjà 87 détenus en essayant de leur envoyer des mandats, des colis, etc. Et donc en fait, ensuite, tous ces prisonniers, prisonnières sont bientôt libérables. Alors apparemment, il y en a qui ont déjà été libérés récemment. Mais du coup, là, ce qui se passe pour eux, c'est qu'il n'y aura aucun billet retour qui sera payé, que pour être libérables, ils sont obligés de présenter des garanties ici, quoi, sur le territoire où ils ne connaissent personne, donc où il n'y a pas d'hébergement, pas de formation, pas d'emploi, et donc ils vont rester potentiellement beaucoup plus longtemps. Et ensuite, ils disent un peu leur, ce qu'ils ont un peu réalisé, c'est-à-dire créer un guide d'aide destiné aux familles qui n'avaient pas de nouvelles suite aux déportations. Et voilà, un petit peu tout. Et donc, eux, ce qui, à la fin, donc, ils demandent l'abandon de toutes les personnes prisonnières arrêtées dans le cadre de l'insurrection 2024 et le rapatriement de toutes les personnes déportées qui le souhaitent. Donc, vous pouvez retrouver tout le texte qui détaille un peu plus leurs actions, etc. Ce qu'on mettra en ligne sur le blog. Et on va partir avec la loi, sur la loi Mayotte. Et oui, pour rebondir sur le traitement des territoires dits d'outre-mer. Donc, le projet de loi Mayotte, il contient déjà un durcissement du droit du sol. Je pense que c'est l'élément le plus médiatisé de ce projet. Mais il y a aussi des dérogations par rapport à la métropole en termes d'enfermement. Depuis 2024, la loi Asile et Immigration interdit l'enfermement des mineurs en centre de rétention administrative. Donc déjà, pas à Mayotte, où cette interdiction elle est censée entrer en vigueur seulement en 2027. Or, dans le projet de loi qu'ils sont en train de concocter, là, ça revient sur cette interdiction en proposant des unités familiales dans les CRA qui permettraient d'enfermer des familles avec des enfants, au prétexte qu'elles n'ont pas les bons papiers. Et on a aussi beaucoup parlé dans cette émission les derniers mois des punitions collectives dans le sillage de la répression des émeutes. Dans le projet de loi Mayotte, il sera possible de retirer un titre de séjour à un parent dont l'enfant mineur constituerait une menace à l'ordre public. Alors en théorie, nul n'est responsable que de son propre fait, sauf à Mayotte. Et on termine sur l'agenda. Alors, dans le cadre des marches annuelles contre les violences pénitentiaires à Lyon ce week-end, et peut-être dans d'autres villes, mais on n'est pas trop au fait, il va y avoir une manif le dimanche 25 à 14h à Lyon, et il y aura aussi des moments de rencontre, de discussion le samedi 24, et un concert le vendredi 23. Voilà, si vous êtes à Lyon ou dans sa région, vous pouvez aller retrouver les infos. Et donc, c'est organisé par l'asso IDIR, Espoir et Solidarité, et l'Association des victimes des crimes sécuritaires. Voilà. On écoute un peu de musique. Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Rendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage et la frustration empêchent à la réflexion. Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions? Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77. J'ai accompagné de deal à côté de mystiques réagissent. Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lust de la justice. Strictement hardcore. La jeunesse est désespérée, elle est hardcore. Et rien ne pourra l'arrêter. Quand il arrive, nous saurons aussi nous défendre. Car tu ne te doutes que tout vient à point à qui c'est à tort. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche. Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé par deux principes visant à renverser la société. Juste pour le plaisir, je répète, ma cité va craquer. Une révolution complète. Je prends plaisir au vacarme, au fracas des vitres quand tout crame. Les cris des jeunes deviennent des armes. Des armes, Das Bouga, relève le gant. Quand tu le faut, deviens brigand. Cramer le système est mon slogan. Le chétan fusionne avec les deux banigas. On additionne les forces pour faire face à la menace de l'état bourgeois. La lutte des classes dans la masse, tu sens l'angoisse. Au très vite, petit boulet. Trace le chacal de Beauval à la vie de ta face. Il faut lutter, affûter pour faire chuter le combat. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. Attendez, Cette liqueur, ma milice est en sueur. Force est de bouger sur le but indiqué par ailleurs. J'effleure une folie meurtrière jusqu'à ce que Babylone prenne peur. Pas peur d'y perdre la peau, qui est pour dérailler les inspecteurs. Regarde en droit devant moi, élaborant mon phrasé de guerre. Reparer le cimetière, mais tu verras en enfer. Ouvre la porte de la guerre civile et rentre avec fierté, car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais. Sachez que ma rage est loin d'être passagère. Face au commando numéro 3, explique ce que tu comptes faire. Car lorsque des chiens mordent mes frères, ces derniers sont en droit de les abattre. Donc je check la muselière. Celui qui s'en tire n'est pas le flambeur, mais celui qui a des tripes. Donc pour une fois, soyons à la hauteur de nos lyrices. Du sang à 300% pour j'échant la vision du champ. Dorénavant, et dès maintenant, à toi de choisir la sédition est la solution. Révolution, multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution, multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Révolution, multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution, multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Révolution, multiplions les manifestations. Passons à l'action. La sédition est la solution. Révolution, multiplions les manifestations. Ah, alors vous êtes toujours en direct, c'est les joies du direct, on est un peu en décalé des fois. Donc dans Carapatage sur 89.4 FM, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur carapatage.noblogs.org, que vous pouvez nous écrire, n'hésitez surtout pas, au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris, aussi par mail à carapatage@riseup.net. Et vous pouvez même nous appeler, mais ça on sent que ça c'est pas un franc succès, mais je vous dis quand même le numéro, au 01 43 71 89 40. Et donc ce soir on avait envie de parler des luttes des prisonniers prisonnières dans les années 90. Donc récemment il y a eu de nombreuses attaques autour des prisons en hexagone, sur des parkings ou chez des matons, pour la majorité sous le sigle DDPF, relayé par un canal Telegram, on en a déjà parlé ici. Depuis, il a été fermé, il y a eu plusieurs arrestations et incarcérations. Dans une enquête sous terrorisme, alors selon les magistrats, juste pour avoir plus de moyens pour enquêter et faire du sensationnel. D'ailleurs, il y a des choses, ils n'ont pas été condamnés pour terrorisme, mais il y a deux prisonniers de la maison d'arrêt du Mans, à Coulaines, qui ont été jugés le 30 avril 2025. Pour avoir étendu à une fenêtre de la maison d'arrêt un drap sur lequel était inscrit DDPF et NIC, l'administration pénitentiaire. Les deux partageaient la même cellule donc, et le tribunal les a condamnés à 6 mois de prison pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui et outrage. Donc une banderole égale une dégradation. Donc voilà, aussi à l'intérieur, il y a certains matons qui chouinent dès le matin dans les médias, qu'on les menace avec des petits papiers passés sous les cellules avec écrit DDPF. Donc tout ça, toutes ces attaques dans un contexte avec la présence de Darmanin qui prépare les élections et qui continue d'améliorer sa fibre répressive comme il l'avait fait au ministère de l'Intérieur. Donc on en a déjà parlé, les annonces je vais peut-être pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais donc il y a la remise en activité des QHS qui copie les prisons de très haute sécurité pour enfermer les personnes condamnées pour participation dans la mafia, par exemple en Italie, comme le régime 40 bis. On est passé de 1, puis 2, puis maintenant 3 avec celle en Guyane. On a parlé déjà des prisons modulaires, etc. Et donc le tout en s'appuyant sur le ministère de l'Intérieur, sur le ministre de l'Intérieur et le ministère, et donc sur le fait divers de l'évasion de Hamra et la mort de Dematon pour proposer la loi narcotrafique, qui étend les pouvoirs de contrôle et de renseignement de police déjà utilisés pour le terrorisme ou dans la lutte, par exemple, contre l'ingérence étrangère. S'appuie aussi sur le contexte meurtrier et de peur face au règlement de compte dans les guerres de territoire qui se jouent entre différents trafiquants. Donc voilà, ça a été par exemple précédemment avec l'opération Place Nette qui a aussi justifié de nombreuses interpellations et incarcérations. Donc dans les textes, un des textes de présentation des DPF, la référence aux luttes menées dans les années 90 était, il y avait une référence aux luttes menées dans les années 90 par les anciens. On a donc voulu aujourd'hui parler de ces luttes dans une perspective de les retrouver, de les mettre en lumière, de les valoriser, de comprendre leur perspective, souvent révolutionnaire, par leur auto-organisation et qui ont influencé des processus réformateurs ou de répression en prison, et processus qui ont aussi parfois occulté l'actualité même de ces luttes. Donc voir comment tout cela a pu et peut permettre potentiellement de s'en inspirer, et en observant aussi les liens entre les luttes à l'intérieur et celles à l'extérieur. On a un peu, mais pas assez, cherché des gens pour en parler. Peut-être dans une prochaine émission, on passera le récit d'une personne qui a vécu à l'intérieur ces années-là. En attendant, on a fouillé les archives, les récits, souvent assez foisonnantes de ces années-là, de l'intérieur et des extérieurs. Ces années-là, souvent un peu moins connues que les luttes et les révoltes initiées dans les années 70. Les années qui ont vu la création des QHS en 75, leurs luttes qui ont vu leur fermeture en 82, et ensuite la lutte contre des QHS qui ne disaient pas leur nom avec l'isolement, et l'augmentation du nombre de personnes incarcérées. En résumé, les années 90 ont vu un peu cette lutte s'essouffler pour reprendre un peu de vigueur à la fin des années 2000. Enfin, au début des années 2000, pardon. Donc, sans rentrer maintenant dans les détails, souvent, effectivement, on a plus en tête les luttes des les années 70 et pas mal en 75, où l'État, suite aux émeutes, donne donc une... réplique avec une soi-disant libération des conditions générales de détention. Donc il y a par exemple la fin des coupes de cheveux obligatoires, la télé en salle collective, les radios en cellule, l'assouplissement des mesures d'aménagement de peine, et tout en créant parallèlement les QHS, quartiers de haute sécurité. Donc c'est à un moment où il y a une distinction entre deux sortes de prisonniers, un peu comme maintenant d'ailleurs, entre voilà, les normaux et les fortes têtes et les meneurs qu'il faut éliminer. Ces révoltes étaient aussi accompagnées de mouvements forts à l'extérieur et le reste de la société. D'ailleurs, c'est aussi en 75 la fin des parloirs libres sans digiphone qui reviendront ensuite. À l'extérieur, c'est aussi l'époque dans les années 70 de l'existence du GIP qui donnera lieu au CAP dans les années 80, lui mené par des prisonniers, anciens prisonniers. À l'intérieur et à l'extérieur, dans la décennie 80, suivante, il y a eu un gros effort de coordination entre, on a l'impression en tout cas de ce qu'on en voit, mais quand même par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, entre intérieur et extérieur, avec de nombreux journaux, associations, syndicats de tôlards, anciens prisonniers qui luttent à l'extérieur, et aussi pas mal de dissensions sur comment faire les choses à l'intérieur et à l'extérieur. Pas mal de débats. Et donc dans les années 80, Mitterrand arrive au pouvoir, et avec Badinter, c'est la fin de la peine de mort, mais aussi le retour en force des peines incompressibles, l'allongement des peines et la création de nouveaux délits. Face à l'espoir des grâces annoncées par Mitterrand, et comme elles se font attendre, il va y avoir des blocages directement après les élections, par exemple à la santé, avec de la répression. Mais du coup, face à cette répression, aussi avec de la solidarité à Fresnes, par exemple. Et donc, c'est des blocages, des sit-ins. Il y a aussi des grèves de la faim. Par les prisonniers d'AD contre les QHS. On en reparlera un petit peu ensuite, mais dans les années 80-90, il y a pas mal de prisonniers qui se revendiquent politiques. Un statut qui n'existe plus après 81, mais qui sont quand même considérés comme tels par l'État, parce que placés à l'isolement ou parfois dans des aisselles séparées. Donc c'est des personnes qui vont avoir plutôt pas mal de soutien à l'extérieur. Et pour revenir un peu aussi les années 70 puis 80 dans une manière différente. Donc en 70, c'est le début des radios libres, des outils de communication intérieure-extérieure, mais aussi communication entre les différentes prisons, au sein même parfois d'une même prison. À partir de la fin à partir de 80, c'est la fin du monopole d'État sur les radios, et du coup il va y avoir de nombreuses radios de parloirs libres et d'autres radios anticarcérales qui vont émettre publiquement et développer et favoriser ces liens. Donc on a embrassé une période un peu large, de 84 à 2000. Donc voilà. Et on ne va pas ici détailler tous les événements, les récits, toutes les histoires, tous les témoignages. Et on va s'intéresser à quelques moments pour mettre en valeur des luttes et des révoltes d'une époque. Et on a essayé quand même d'avoir une vague chronologie pour avoir une espèce de compréhension un peu de cette période. Du coup, n'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires ou autres témoignages ou non vis-à-vis de ces époques, de ces années évoquées. Et dans tous les cas, n'hésitez jamais à nous écrire, comme je le disais auparavant. Aussi sur ce qui se passe maintenant, voilà, pour que ça sorte à l'extérieur. Donc, si on ne peut pas comparer deux époques, mais s'inspirer de l'une pour faire vivre l'autre, ça peut être que bénéfique, même si on sait que la justice condamne aujourd'hui beaucoup plus fort qu'avant. D'ailleurs, voilà, on vient de parler de cette prison spéciale narcotrafiquant et terroriste en Guyane. Il ne faut pas se méprendre que, comme la plupart des lois répressives qui s'adressent à une catégorie, finit toujours par s'étendre à d'autres ennemis que l'État considère comme son nouvel ennemi du moment. Et donc, c'est quand même assez urgent de ne pas laisser un ministre de la Justice qui a besoin de faire des annonces, qui n'arriveront sûrement pas tout au bout, et en même temps, il a besoin d'en mettre quelques-unes qui arrivent à quelque chose, réduire en cendres quelques miettes grappillées au système par de nombreuses luttes. Et si on dit Darmanin aujourd'hui, qui en permanence utilise le vocabulaire de la peur, des prisons, en faisant des hiérarchies, en assumant pleinement le rôle d'élimination de la prison. C'est un travail entamé par tous ses prédécesseurs, on va en parler, et qui continuera avec lui de manière plus ou moins discrète, avec le vocabulaire de la réinsertion, même si la tendance, elle n'est pas trop à celle-là en ce moment. Voilà. Et du coup, après toute cette petite introduction, enfin longue introduction, Lu va nous parler des... va un peu rentrer dans le cœur du sujet. C'est ça. Du coup, l'année 85, elle est ponctuée de plusieurs mouvements. Mais pour recontextualiser un tout petit peu, déjà début octobre 1984, il y a 700 prisonniers de la prison de Fleury qui font un refus de plateau pour le droit au regroupement et contre les conditions de détention. Il se passe la même chose à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury. Et depuis la même prison, début mai, un appel que je vais vous lire relance le mouvement. Il s'intitule tout simplement « L'appel de Fleury ». Ce texte, comme les autres cités ce soir, se retrouve sur le site archive.autonomie et notamment dans la revue Venceremos. On y retrouve également des chronologies assez précises des différentes révoltes qui ont eu lieu dans les prisons cet été-là. Du coup, je vais vous lire la deuxième partie de l'appel parce qu'il est assez long. Donc, et en prison. En juin 1980, Roger Kiriam, un détenu de la prison de la Santé, meurt après avoir tambouriné à sa porte toute la nuit et supplié qu'on le soigne. Au matin, il est retrouvé mort. La gauche s'indigne, médiatise cette affaire. En 1984, la même chose est arrivée au détenu Jacques Lévy, puis à Bébert Chastenay. Pas un mort, faute de soins, mais deux. Ici, rien qu'à Fleury-Mérogis, sans compter le décès suspect de Karim Clemsin, et silence total. Au D4, le 5 mars 1985, Augusto Suarez, alors qu'il est enchaîné, se fait copieusement tabasser sous nos yeux par les agents pénitentiaires. On réagit. Et celui qui verbalement réagit un peu plus que les autres se retrouve enchaîné à son tour et conduit au mitard. Le quotidien Le Matin n'hésite pas à écrire que les directeurs Fétro et Olivier sont humains. En réalité, du mitard sans arrêt. Pour un oui ou pour rien, pire qu'autant des QHS qui du reste n'ont jamais été supprimés, mais rebaptisés quartier d'isolement. Dans cet enfer de torture psychique, le mitard côtoie l'ultra-moderne comme le Moyen-Âge le plus vil. On glisse la nourriture sous la grille comme un chien, paillasse tachée de sang et de sperme séché, murs pouilleux, cubes de béton, étuves sans aération. Les mitards du bâtiment Détroit, l'aveu de Costa Gavras. Sans compter le prétoire où il est impossible de se défendre sur la matérialité des faits imputés. Jugement sans avocat et contraire à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme. Nous avons notre mot à dire sur ceux qui ont notre sort entre leurs mains, à moins que l'appartenance à la race humaine nous soit moralement et démocratiquement retirée. Nous exigeons la mise à la retraite des fonctionnaires suivants, et du coup là il les cite, à qui nous reprochons les mauvais traitements par manque de soins, les comportements pousse au suicide envers les détenus fragiles, les ordres de passage à tabac de prisonniers, ou la caution qu'ils apportent à cette pratique, l'usage frénétique du prétoire et du mitard. Nous demandons la suppression pure et simple du mitard. Et après ils invitent des gens à soutenir. Et à la fin ils disent « Nous sommes amers, mais ni fauves ni assassins, on vous en supplie, venez, et Saint Badinter, sois gentil, démissionne. » Et voilà, du coup, ce texte, il avait été signé au moins par 73 personnes. Du coup, Donc, en plus de la mort de Bruno Sulac, le 18 mai 1984, lors d'une tentative d'évasion, qui est une situation qui a été assez médiatisée, une autre situation met le feu aux poudres début mai, toujours à Fleury. C'est la peine de mitard qui a été infligée à 6 prisonniers pour avoir dénoncé au directeur de la prison des tabassages racistes et réguliers de la part de Maton. Donc la révolte, elle commence le dimanche 5 mai au matin, à Fleury, et s'étend par la suite dans une quarantaine de maisons d'arrêt jusqu'au 19 mai, à l'aide de diverses formes de révolte qui prennent la forme à l'intérieur de destruction et incendie, montée sur les toits, affrontement avec les CRS, refus de remontée de promenade, grève de plateau, etc. Un exemple de lutte à l'extérieur de la prison, cette fois, c'est le 6 mai. Les proches protestent et organisent une chaîne humaine autour de la maison d'arrêt de Fleury, pendant que la tôle est saccagée par les prisonniers. Autre moment marquant, c'est le 9 mai, où à la maison d'arrêt de Fresnes, 400 prisonniers de l'hôpital pénitentiaire et de la prison sont sur le toit et s'affrontent avec la police, qui, elle, utilise des lacrymos contre eux, pendant qu'eux, ils se défendent avec des tuiles. Un prisonnier qui s'appelle Alain Pinol, il va tomber de la toiture et il meurt. Donc le 13 mai, donc ça veut dire une semaine après le début des émeutes, un appel à la grève de la faim émane de l'intérieur. Celui-ci, il est lu sur plusieurs radios, comme Pile en parlait tout à l'heure, et il se positionne comme solidaire des revendications des détenus. Et il est signé « Les meneurs de Fleury-Mérogis ». Il réclame la levée des sanctions qui sont tombées depuis le début du mouvement. Sur les ondes de Radio Libertaire, l'anonymat de cet appel va être critiqué par l'Association syndicale des prisonniers de France. Du coup, le 18 mai, il y a une seconde lettre qui émane de l'intérieur de Fleury-Mérogis et qui s'intitule « Salut les briseurs de grève », dans laquelle on va pouvoir lire, par exemple, qui disent « Nos camarades sont mitards, nous nous déclarons par solidarité tous meneurs et nous lançons cet appel à grève de la faim ». Puis plus loin, face à la terrible répression qui règne en milieu pénitentiaire, nous avions choisi l'anonymat et nous obligeant pour cause de cassage de grève à réagir à découvert, votre démarche s'apparente à la délation. Voilà, et du coup, il signe le texte en disant « Nous sommes tous des meneurs ». Ensuite, le lendemain, le 19 mai, la maison d'arrêt de Montpellier, elle va être dévastée. Et à l'extérieur, la foule, elle s'affronte avec la police. Les CRS, ils finissent par user de gaz lacrymogène face à une foule qui est très hostile et soutenant de ce qui se passe à l'intérieur. 10 heures après le début de la révolte, quand les policiers ont repris le contrôle de la prison, les CRS, ils font toujours face à une foule en colère et ils leur envoient les chiens. En plus de la répression, la réaction étatique finit par se faire entendre. Et Badinter, qui du coup est le premier maton de France à ce moment-là, annonce la création de 2039 places de prison. En plus, le 15 mai, il va présenter un projet de loi qui apparaît le 22 mai, qui réduirait la durée des détentions prévisoires. Et ensuite, on date un peu, il y a le 15 décembre 85, il y a la télévision qui va être autorisée en cellule. À la suite des mouvements de mai, et en soutien aux mutins, il y a diverses actions de sabotage qui se sont déroulées, à partir du 15 juin 1985. Donc il y a eu de nombreuses perturbations ferroviaires, entraînant des retards de quelques heures sur les lignes... en vrai, il y en a eu beaucoup, genre Paris-Nantes, Toulouse-Paris, Nîmes-Tarascon, Paris-Bruxelles, Paris-Le Havre, Paris-Strasbourg. Wow. Ouais, et sur deux lignes de métro parisien. Tout ça entre le 17 juin et le 12 juillet, donc peu de temps après. À deux reprises, il y a des imprimeries qui sont sabotées. Et ces actions sont faites au nom de l'hostilité des journalistes au mouvement de révolte, à la mémoire des détenus morts suicidés. Tout ceci se déroule sur 2 mois. Des actions qui sont également réalisées en soutien à la répression qui s'abat contre des prisonniers qui sont montés sur le toit de la prison de Chaumont, ainsi qu'en soutien à des personnes interpellées à Rouen pour une action de sabotage commise quelques jours auparavant. Des voitures officielles et une entreprise qui faisait travailler des détenus à Toulouse, elles crament. Beaucoup de pneus de caravane du Tour de France sont crevés aussi. Pendant cette période, plusieurs mutineries éclatent dans des prisons. Une trentaine de prisonniers s'est même évadée d'une prison de Pointe-à-Pitre suite à des émeutes le 18 août. À plusieurs reprises, les prisonniers se mutinent en lien avec l'annonce annuelle des amnisties du 14 juillet. Et du coup, cette année-là, cela sera une remise de peine de 1 ou 2 mois pour les petites peines. Donc au final, il y aura entre 3 et 4 000 détenus prisonniers qui sortiront. Et donc, il y a un texte qui s'appelle « La vérité sur quelques actions menées en faveur des mutineries dans les prisons », signé Os Cangaceros, début août 85, qui explique notamment que ces actions-là sont faites pour entamer l'isolement des taulards, alors que tout était fait, passer la fièvre des mutineries pour les étouffer dans le silence. Merci pour ce récit des années 85. On va écouter une musique, mais alors tout à l'heure, en fait, j'ai pas dit, je crois, mais on a écouté Sédition de Deux Ballets Mystiques. Et maintenant, on va écouter Riot in the Cell Block Number 9 de The Robins. On July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a riot going on. Trouble started in cell block number 5 and spread like fire across the prison floor. I said, okay, boys, getting ready to run. Here come the warden with the Tommy gun. And said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. The 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Vous êtes de retour dans Carapatage sur 89.4 FM sur Radio Libertaire en direct jusqu'à 10h environ. Alors, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur carapatage.noblogs.org, mais aussi, en fait, on se fait parfois là en ce moment censurer de certaines, non, de une seule en fait, appli de podcast qui commence par un S. Qui finit par un Y. Et du coup, mais sur toutes les autres applis, vous pouvez nous écouter. Mais en fait, on continue à avoir des émissions, juste ils nous censurent. Voilà. J'ai l'air dépité, mais en fait, c'est pas grave. Écoutez-nous sur le blog, ailleurs. Enfin bon, voilà. Alors, on revient, on repart sur les luttes des prisonniers, prisonnières. Il y a beaucoup plus de luttes de prisonniers que de luttes de prisonnières, ou en tout cas beaucoup plus de récits, en tout cas, c'est sûr, et beaucoup plus de luttes parce qu'il y a beaucoup plus de prisonniers que de prisonnières enfermées dans les années 90. Et on repart sur 1987. En 1987, c'est le début du recours partiel au secteur privé dans les tôles. Et c'est aussi l'année où le travail obligatoire est supprimé, ce qui avant était pas le cas. Je vais vous lire un petit quelqu'un qui a écrit un petit passage qui résume une partie de ce qui a pu se passer pendant l'été 87. Vu que ça a été très bien fait par quelqu'un d'autre, je me suis dit autant le lire. L'été 87 voit un retour des grands mouvements collectifs, alimentés par la mise en place des nouvelles périodes de sûreté qui diminuent drastiquement les espoirs de sortie pour les longues peines. Mais aussi la possibilité, ça diminue aussi la réduction de les possibilités de réduction de peine. Le 13 juillet 87, un mouvement de refus de remonter en promenade est suivi par 181 détenus et 209 détenus dans les prisons pour femmes. Le lendemain, 18 femmes sont transférées à Rennes. Donc ça, c'est à la MAF de Fleury et à la maison d'arrêt de Fleury et à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury. Ainsi, 200 détenus dans la MAF prennent la décision de refuser de remonter en promenade, provoquant l'intervention des CRS. Chez les hommes, 800 prisonniers des bâtiments D1, D2, D4 restent dans la cour, déploient des banderoles dénonçant la mort lente, brûlent la chaufferie, les matelas et saccagent l'infirmerie pendant l'intervention des gendarmes mobiles, des CRS et du GIGN. Le lendemain, 130 détenus du centre des jeunes détenus forcent une porte et paradent sur le chemin de ronde pendant trois quarts d'heure. Le 16 juillet, au Baumettes, 100 détenus du centre pénitentiaire montent sur les toits pendant 4 heures, brûlent un atelier de menuiserie et détruisent un bâtiment. Le lendemain, toute la prison se mobilise contre les sanctions, réclamant des parloirs sexuels et davantage de douches. C'est un moment où il y a un peu une sorte de début de lutte sur la volonté d'avoir des parloirs intimes, même s'il y a des débats aussi sur la possibilité ou non d'avoir des parloirs intimes dans ces conditions et qui mèneront à la création des UVF, unités de vie familiale. À Fleury-Mérogis, en juillet, 300 détenus refusent de regagner leurs cellules, incendient un fourgon cellulaire, tandis que 30 détenus parviennent à atteindre les toits. Le 19 juillet, suite à la mort suspecte d'un détenu intervenu à la maison d'arrêt de Colmar, 40 détenus refusent de remonter dans leurs cellules, allument des incendies et cassent autant de matériel qu'il leur est possible de trouver. Le 13 août, au Baumettes, des clés sont dérobées, des cellules saccagées, avant que n'interviennent les forces de l'ordre. Après, il y a eu des affrontements avec les flics. Le 12 novembre, éclate la mutinerie de Saint-Maur. Les revendications tournaient autour de la longueur des peines. Alors, à Saint-Maur, on essaiera d'en reparler peut-être dans une autre émission, plus spécifiquement, il y a eu une grosse mutinerie, et il y a des récits qui ont été faits, qu'on peut trouver par exemple dans le livre « Il y a du baston dans la tôle ». Voilà. Et donc à la fin de cette mutinerie où il y aura eu des otages, il y a 50 détenus qui vont rester sur place, alors qu'une partie des ateliers et tout a pris feu, qui vont être nourris par des rations par l'armée. Il va y avoir ensuite une grosse révolte à Eisenheim, je ne sais pas si je le prononce bien, en avril 88. Eisenheim. On me dit oui, après on me dit non. Okay, je ne sais pas. On essaye. En avril 88, et là il y aura 270 détenus qui vont réduire en cendres les trois quarts de la centrale. Et donc ça va faire presque la moitié des dégâts qu'il y a pu avoir par les mutineries en 1974. Donc ces révoltes-là, ouais, elles sont quand même pas mal... entre autres, pour la fermeture des quartiers d'isolement. Il y a eu aussi, à ce moment-là, une forme de plateforme unitaire qui fut élaborée dans certaines prisons et qui, parfois, était mise en avant dans les mouvements ou les révoltes. Dans les années en 87, il y a eu aussi des mutineries autour de l'affaire du sang contaminé. J'explique pas trop ce que c'est, mais on peut trouver plein de trucs là-dessus. Et ça mènera, entre autres, à l'autorisation des préservatifs à la fin de l'année 87 en tôle. En cette même fin d'année, les prisonnières d'AD, d'Action Directe, ici aussi, je vous explique pas ce que c'est, mais on en a déjà parlé, je pense, dans l'émission sur l'isolement, peut-être. Je ne sais pas, mais bon, bref, voilà. Comme on peut retrouver pas mal d'infos un peu dans les liens qu'on a mis aussi, qu'on mettra sur le blog. Donc, ils commencent une grève de la faim contre l'isolement et pour pouvoir être regroupés et pas dans différentes prisons. Cette grève de la faim, elle va durer jusqu'en avril 88, donc c'est-à-dire plus de 4 mois. Et pendant cette grève de la faim, il y aura leur procès. Et donc, ouais, 4 mois, c'est un peu long. Et donc, ils vont quand même genre être perfusés de force avant d'arriver au procès, arriver sur des brancards à demi-conscient, etc. Et du coup, il y aura un petit peu des... Il y aura pas mal de mobilisation à l'extérieur autour de ça. Tout à l'heure, quand même, je parlais des plateformes de revendication. Il y a aussi des endroits où on peut retrouver un peu les trucs où... qui étaient mis en avant à certains moments dans les révoltes. Et donc, en 88, ça prend un peu une autre forme. À la fin de l'été 88, il va y avoir, et en 89, c'est pas mal d'initiatives, genre des refus de plateau, en solidarité avec les détenus dits politiques, et des initiatives entre les détenus dits droit commun et politique, ensemble contre l'isolement. Du coup, un peu sur cette distinction entre détenus politiques, droit commun, etc. On en a parlé justement dans cette émission. On a fait une émission sur les prisonniers politiques, je ne me rappelle plus. Et du coup, un peu sur cette notion et ce qu'on en pensait ici, puisque voilà. Et du coup, il y a aussi pas mal de mouvements en solidarité avec des détenus dans d'autres pays. Que ce soit en Espagne ou en Iran, où il y a eu... voilà. Et du coup, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, en solidarité avec des choses qui se passent soit à l'extérieur, soit dans d'autres prisons. Et donc, à la fin 88, il y a une action assez ouf, enfin, qui en tout cas était plus ou moins jamais vue par son ampleur. Il y a près de 6000 prisonniers, peut-être même 10 000 plutôt, à ce moment-là, c'est un cinquième de personnes enfermées qui refusent les plateaux repas, qui refusent de monter en promenade ou qui font grève des ateliers. Tout ça contre l'isolement, les mitards, le statut de DPS, détenu particulièrement surveillé, pardon, la censure, mais aussi le salaire minimum et en solidarité avec les personnes qui se retrouvent en procès après une mutinerie, après une révolte. Et donc il va y avoir aussi plein mal de plateformes qui vont sortir de différentes prisons un peu avant le mois de septembre qui préparaient un peu ce moment là et bah, ce sera aussi une période où il y aura ouais bon voilà. Et du coup pour revenir un peu à une initiative un peu simultanée. Pour donner un petit exemple de ce qui avait pu se passer en 89, il y a au centre pénitentiaire des Baumettes 345 prisonniers qui envoient simultanément une demande de mise en liberté, espérant que tous les dossiers ne pourront être traités dans les délais légaux et que certains emprisonnés seront ainsi automatiquement remis en liberté. En vrai, je ne sais pas si ça a marché, on imagine que peut-être. En tout cas, ça a été retenté ensuite. Et là, du coup, dans ces années-là, il y a beaucoup quand même pas mal de révoltes en 88-89. Il n'y aura aucune des revendications des prisonniers qui sera prise en compte. Et plutôt pas mal de condamnations assez lourdes pour tenter d'enrayer la grosse vague de mutinerie. Donc on va parler d'une de ces mutineries, mais du coup, plus en détail, celle de Clairvaux. Mais du coup, c'est un peu... un début de politique qui existait déjà carrément avant, mais assez qui là est vraiment assez systématique de transfert disciplinaire, mise à l'isolement, tabassage et une pression constante et aussi un peu parfois monter les prisonniers prisonnières les unes contre les autres. Ouais, voilà. Et aussi d'intenter des procès aux contestataires et ça on va en parler. Du coup, là, on arrive à la période du début de l'été jusqu'à l'automne 1989. Il va y avoir pas mal de révoltes dans les prisons. Donc moi, je vais parler d'un épisode de mutinerie qui s'est produit à la centrale de Clairvaux. Je vais beaucoup en parler de Clairvaux dans cette émission. Donc ça s'est passé le 12 juin 89 suite au tabassage d'un prisonnier par les matons et sa mise au mitard. 90 détenus refusent de remonter de promenade et investissent le terrain de sport. Donc ils tentent une mutinerie qui va échouer et reste sur le terrain jusqu'au soir, jusqu'à ce que les gendarmes mobiles investissent le terrain et chargent les prisonniers. Sept des mutins sont désignés comme des meneurs. Comme par hasard, ils participent tous à la coordination des prisonniers antifascistes de Clairvaux. Je vais en reparler juste après. Et donc, ces sept mutins sont conduits au mitard pour 45 jours. En chemin, ils sont littéralement lynchés par les matons devant les gendarmes, qu'ils décident aussitôt d'entamer une grève de la faim pour obtenir leur transfert dans une autre prison et éviter la poursuite des représailles. L'inspection de l'administration pénitentiaire n'a curieusement pas pu identifier les matons coupables de violences sur les prisonniers. En revanche, elle décide d'intenter un procès à trois des mutins pour coups et blessures volontaires. Donc, pour faire une parenthèse sur l'organisation dont se revendiquaient plusieurs des mutins, c'est la coordination des prisonniers antifascistes. Donc, elle est née à la centrale de Clairvaux en 89. Elle a un peu essaimé au début des années 1990. On pouvait trouver des prisonniers adhérents à la centrale de Saint-Maur ou à celle de Moulins en 91. Donc on va arriver au procès des mutins de Clairvaux qui va se tenir à Troyes le 31 octobre 1989 dans un automne, comme on l'a dit, qui est très marqué par une vague de procès intentés à des prisonniers contestataires accusés par l'administration pénitentiaire. Donc pour soutenir les mutins, il y a notamment une organisation qui s'appelle la Commission Prison-Répression qui va se mobiliser. Donc cette commission, elle a existé de 1985 à 1992. Elle va éditer des brochures, des tracts, organiser des conférences de presse, des manifestations au moment des procès. La commission, elle parle de la prison au travers d'une émission qui s'appelle Cavale, qui est diffusée en 1985, une émission de radio, puis de différents journaux, le Bulletin de la Brèche jusqu'en 88, le journal Cavale de 86 à 87 et la Lettre de Cavale de 89 à 92. Donc on revient à notre procès où trois des accusés revendiquent la mutinerie et expliquent le besoin de création de la coordination des prisonniers antifascistes en réponse aux violences des matons de Clairvaux. Ils ont écrit un texte qui s'appelle « Vivre pour vaincre ». Vaincre pour vivre, on n'a pas trop le temps de lire des extraits, mais qui évoque le fascisme carcéral et la fonction même des matons et l'engagement des matons à l'extrême droite. Donc ce procès au mois d'octobre 89, le premier jour, il y a un refus de plateau de 95 prisonniers à Clairvaux en solidarité et de 60 prisonniers à la prison de Plomeur, qui ont envoyé un appel collectif au président du tribunal de Troyes. Et il y a aussi une manifestation à Troyes qui est organisée par la commission prison-répression. Le 21 novembre, le verdict de ce procès est rendu. Les prisonniers accusés n'ont pas été extraits. Et le président a ouvert l'audience en estimant quand même que les détenus tabassés par les matons avaient fait l'objet de violences inutiles et regrettables. Mais il les met sur un pied d'égalité avec les violences des prisonniers qui se sont mutinés. Une nouveauté, c'est que la justice reconnaît le caractère revendicatif et collectif de la mutinerie et le caractère politique de l'engagement des meneurs qui vont quand même prendre des peines de plusieurs années. Donc Yves Gourdon est condamné à 4 ans, Alain Trouvé à 3 ans et Jacques Sartori à 1 an. Cela dit, il y a une inspection qui est diligentée à Clairvaux, puisque même Amnesty International s'était ému des violences qui avaient été commises par les sept meneurs désignés juste après la mutinerie qui avait été tabassée par les matons. Il y a un peu de ménage qui est fait dans la direction et des engagements qui sont pris pour assouplir le régime. Mais il y a quand même un renforcement de la sécurité extérieure. Par exemple, on installe des barbelés sur les toits. Ce qui n'empêchera pas, le 30 janvier 90, une prise d'otage d'un maton par un prisonnier qui monte sur le toit du mitard. Et donc les trois mutins condamnés en 89 font appel. Donc l'appel a lieu en mars 1990. Alain Trouvé voit sa peine de 3 ans confirmée. Le plus lourdement condamné, il passe de 4 ans à 3 ans et le troisième n'avait pas fait appel. Donc il y a un des mutins qui s'appelle Yves Gourdon qui a pris la parole au procès. Et donc je vais lire quelques extraits de ce qu'il a dit. Je voudrais vous parler de Clairvaux, car personne ne sait ce que signifie Clairvaux. Les quartiers d'isolement, le racisme, car un arabe ou un noir y est rejeté par avance. Clairvaux, c'est l'oppression. C'est une dynastie. On y ématons de père en fils. Nous ne sommes pas des hommes, mais des diminutifs, des moitiés d'hommes. Vous voulez parler de moralité ? Parlons de celle des surveillants. À Clairvaux, d'après les matons, il ne devrait pas y avoir d'assistante sociale ni d'activité. Il y avait une éducatrice. On a voulu lui interdire son métier. Elle a persisté et se faisait insulter. Un jour, Decaux, le surveillant chef, devant des prisonniers, devant des matons, l'a traité de salope et de putain. Ce qui s'est passé à Clairvaux, à Enzisheim, on ne sait toujours pas comment ça se dit, à Moulins, c'est une mise au point, c'est rien. Le point de non-retour est dépassé. Si la chancellerie ne nous écoute pas, ce qui va se passer dans les années à venir, peut-être même plus tôt cet été, ce sera 74 force 10. Il y aura des morts chez les prisonniers, mais surtout chez les matons. J'ai perpète, je m'en fous. Tuer un maton, oui, si c'est pour la bonne cause. Et on va voir que ce sont des paroles assez prophétiques. Juste entre-temps, les luttes ne se tarissent pas pour autant à Clairvaux. Il y a par exemple des refus collectifs de remontée de promenade en solidarité avec des prisonniers visés par la double peine. C'est le fait que un prisonnier étranger soit menacé d'une expulsion après sa peine. On a fait toute une émission sur la double peine qui a donné lieu à beaucoup de luttes dans les années 90. C'était l'émission 80, je crois. On la remettra en lien sur le blog. En 91, il y a la création du comité de lutte de la maison centrale de Clairvaux qui est liée à la COPEL, qui est un autre collectif qui luttait à l'extérieur avec les prisonniers, qui est ensuite devenu l'Appel et qui a perduré jusqu'en 92-93. Et pour redonner le contexte du début des années 90, il y avait une très forte augmentation du nombre de prisonniers. Ils étaient 29 500 en 1971 et on est passé à 47 000 en 1991, soit une augmentation de près de 60%. Alors aujourd'hui, vu le nombre de prisonniers en France, ça nous paraît dérisoire, mais voilà, il y avait déjà une croissance importante. Et donc j'arrive à l'année 92... où il y a déjà un contexte assez tendu. En août, un maton a été tué par un prisonnier à Rouen, ce qui a déclenché un mouvement des surveillants. En août également, lors d'une mutinerie à Mulhouse, le bâtiment administratif avait été brûlé et 20 matons et un prof pris en otage par les prisonniers, la centrale quasiment... très saccagé. Le 8 septembre, à Moulins, il y a eu aussi une prise d'otage et la centrale quasiment détruite, tous les prisonniers transférés, tous ces mouvements protestés contre une discipline de fer en tôle. Et donc, je reviens à Clairvaux, où le 11 septembre 92, il va se passer un événement historique, puisque 8 détenus vont s'évader, et c'est la première évasion dans l'histoire de Clairvaux, qui est une centrale ouverte depuis 1804, une des plus anciennes prisons en France, qui a fermé en 2023. Mais bon, ça mériterait qu'on consacre aussi une émission entière à l'histoire de Clairvaux. Donc ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est que 9 détenus qui avaient réussi à se procurer des armes tentent une évasion. Ils volent un camion de livraison avec lequel ils explosent un portail pour entrer dans la cour d'honneur de la prison. Là, il y a une fusillade qui éclate avec les matons et un prisonnier et un maton sont tués à ce moment-là. Les 8 autres prisonniers parviennent à s'enfuir de la prison en emmenant un maton pris en otage. Leur cavale, elle dure entre une semaine et quelques mois selon les cas. Un prisonnier est tué par les gendarmes une semaine après l'évasion. Et bon, tous ont été retrouvés en fin de compte. Donc évidemment, ça va créer des remous parmi les matons qui entament un mouvement national dès le lendemain de l'évasion, appelé par tous leurs syndicats. Le jour de l'enterrement du maton qui a été tué, 147 prisons sont bloquées et les matons continuent leur mouvement jusqu'au 28 septembre. À Clairvaux, l'intersyndicale obtient l'évacuation de la moitié des prisonniers pour procéder à des fouilles et chercher d'éventuelles armes, etc. Et donc, il y a un bras de fer avec le ministère de la Justice. Et donc, en fait, 92, c'est la dernière fois qu'un maton a été tué en service avant l'évasion de Amra l'année dernière. Et après tout ça, je crois qu'on peut écouter peut-être une petite musique. Une musique qui s'appelle « Répression » de Colette Mani. Pour rester dans le thème. À l'ancienne. Sur sang froid. Aïe! Pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant! Même maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée. Pour faciliter la circulation, les trottoirs c'est pour nous, la rue elle est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Majorité silencieuse, pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? C'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qui vous sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste, nous c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Pourquoi je chante? Parce que j'ai besoin. J'ai envie d'ouvrir ma gueule et de beugler. Alors, pour ça, il faut quand même dire quelque chose. Hein? Alors, je fais état de choses dont j'ai été témoin ou qui me touchent. Oui, mais vous racontez certaines choses. Vous êtes quand même dans un certain camp. Vous avez une certaine façon de voir le monde. Vous voyez la justice plutôt que le bonheur. Ben, le bonheur, j'en vois pas des tonnes quelque part. Hein? À part que c'est du... Je ne sais pas, les choses... C'est difficile de toute façon de parler du bonheur. Mais il y en a peu quand même. Et enfin, je trouve que c'est quand même difficile d'être heureux dans ce monde. Hein. C'est oui, difficile. Enfin, vous êtes une chanteuse qui dénonce, au fond. Vous dénoncez sans cesse... J'expose. Je reconnais que ma manière de chanter est agressive. Mais j'expose, en fait. Mais qu'est-ce qui vous blesse le plus dans le monde? La difficulté qu'on a à se parler les uns les autres. C'est pas politique, ça. Alors, vous êtes bien sur Carapatage. Alors, on a eu un petit problème. On est désolé pour les fans de Colette Mani, mais on n'avait pas pris tout à fait la bonne chanson, a priori. Donc, vous n'en saurez pas plus. Sur la répression. Enfin, si, vous allez en savoir des choses sur la répression. Vous allez en savoir encore. Plus, parce que du coup, on continue avec les années 90, qui ressemblent aux années précédentes, ou du moins au début. Tout à l'heure, tu parlais, Yentl, de la surpopulation, disons de l'augmentation, pardon, du nombre de prisonniers prisonnières. Et en fait, voilà, il y a déjà un programme 13 000, c'est-à-dire 13 000 nouvelles places de prison qui a été lancé dans les années 88 et qui est quasi terminé dans les années 90. Donc 13 000 nouvelles places en deux ans. Et c'est le début du partenariat public-privé. C'est aussi des prisons détruites et d'autres qui sont construites avec un aspect encore plus sécuritaire, a priori, justifié par les évasions et avec des aménagements intérieurs qu'il n'y avait pas auparavant pour prévenir les mutineries. Mais à peine mise en service, malgré la surenchère de ses moyens hyper sophistiqués, il y a eu pas mal de mouvements collectifs dans presque toutes les nouvelles prisons. Sur la sécurité obsessionnelle et le prix de la cantine. Il y a carrément eu une petite révolte pendant un concert dans Lyon où il y a 150 prisonniers qui ont viré les matons et qui ont essayé de s'emparer d'une partie des bâtiments. Et il y avait pas mal pendant les négociations de demandes sur les permissions, d'augmenter le nombre de permissions et de remises de peine. Sur ce programme, au début, il y a pas mal de plans de prison qui étaient prévus dans le sud de la France, qui vont sortir dans la presse suite au vol de ces mêmes plans. Et il y a eu de nombreux sabotages de machines dans le nord, par exemple en Île-de-France, comme à la future de prison de Villepinte. Et ça a été revendiqué et retracé dans un texte, une brochure de Oscar Gaceros, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Une brochure qui s'appelle 13 000 belles, où ça revendique un peu toutes ces actions, ça diffuse les plans à grande échelle, donc cette brochure va être envoyée à plein d'endroits, etc. Voilà, on la mettra aussi en lien sur le blog. Et donc, les années 90, c'est une circulaire en juillet qui essaye de limiter le recours trop fréquent aux mises à l'isolement et leur durée excessive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, la direction générale de l'AP doit saisir doit demander l'autorisation pour toute durée supérieure à un an. Ça veut dire qu'avant, en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi, sur la durée de l'isolement. Mais ensuite, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais ils demanderont l'autorisation pour le faire. Mais ce sera sûrement, et c'est toujours accepté. Donc, il y a pas mal de révoltes à l'été 90, en particulier suite à l'absence de grâce collective. Et je vais donner un exemple, parce que voilà, il y en a vraiment beaucoup. À Lille, par exemple, il y a 150 personnes qui refusent de monter en cellule et saccagent des ateliers avec l'intervention des flics. À Nantes, il y a plusieurs fois des personnes qui montent sur le toit. Mais aussi, il y a pas mal d'actions qui sont plus soft, avec des remontées escargots en cellule. Voilà. Et il y a un exemple qui était un peu plus... Voilà, où il y a eu un affrontement pendant plusieurs heures avec une trentaine de prisonniers qui tiennent tête aux flics suite après avoir mis le feu à plusieurs bâtiments, donc l'infirmerie, la cuisine, la salle de sport. Et ils vont essayer de défoncer le grillage de l'enceinte avec un engin de chantier. Et ils se rendront que le lendemain midi. Et ça, c'était au centre de détention d'Oermingen. Alors là, c'est trop mal prononcé aussi, désolé. Et donc, on parlait là de cette circulaire sur l'isolement. C'est toujours présent dans les mouvements, dans les révoltes. Et il y a aussi un mouvement... donc on a déjà parlé du mouvement de... commencé par les membres d'Action Directe. Il va y avoir à l'extérieur pas mal de soutien à ces grèves de la faim et à ces luttes contre l'isolement. Il y a un comité pour l'abolition de l'isolement carcéral qui va avoir existé pendant 2 ans, entre 88 et 90, à l'initiative de l'Association des parents et amis de détenus, du comité justice prison de Gennevilliers et de l'émission de radio Parloir Libre qui diffusait sur FPP. Il va y avoir aussi d'autres initiatives de solidarité à l'extérieur ou de liens entre l'intérieur et l'extérieur qui vont se mettre en place. Par exemple, la COPEL, on en parlait tout à l'heure, avec la Coordination nationale des prisonniers, qui vont se regrouper pour devenir le journal de l'Alliance des prisonniers en lutte et participer à la coordination nationale des comités d'action contre l'isolement carcéral. Il va y avoir des personnes dont le plus ancien prisonnier à l'isolement qui y est depuis plus de 4 ans, qui en début 91 commence une grève de la faim et au bout de 20 jours est remis un peu en régime normal. Ensuite, il y a pas mal, voilà, t'as déjà parlé, Yentl, un peu de ce qui se passe en 92, du coup je vais pas revenir dessus, mais je voulais revenir un peu sur une ou deux actions à l'extérieur. Donc contre l'isolement, il y a eu pas mal d'actions en 91 et en 94. J'en voulais vous en donner deux parce que c'était rigolo, je trouvais. Au musée de Fresnes, il y a un mannequin avec un déguisement de maton assez ancien qui a été volé. Et ensuite, il y a eu une revendication avec le mannequin, etc. Ça, c'est une action parmi plein d'autres qu'il y a eu à cette époque. Des envahissements de conférences, de ministres de la justice, etc. quoi. Et en 94, par exemple, il y a eu aussi pas mal de blocages de la circulation, dont des blocages vers la prison de la santé, avec un mannequin, enfin un pantin, quoi, qui symbolisait un peu un prisonnier, prisonnière à l'isolement, et avec du coup des collages, des diffs aux voitures qui étaient arrêtées. Et on voulait aussi parler d'une petite action qui avait eu lieu devant la prison de la santé, enfin que c'était pas vraiment une action, mais il y a eu une manif de Lucien contre le CIP. Alors ça, c'était un espèce de contrat précaire pour les jeunes. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant récemment, mais du coup, c'était un mouvement assez un peu éclair. L'ancêtre du CPE ou quoi. Ouais, carrément. Qui a été assez radical dans toutes ces manifestations. Et du coup, il y a pas mal de jeunes qui voilà, se mettent devant de jeunes. Bah si, ils étaient jeunes, quoi, des lycéens. Oui, des enfants. Non, des enfants. Qui, voilà, crient sous les fenêtres de la santé. Les prisonniers aux fenêtres désignent les voitures des matons garées devant la prison. Et donc, les personnes vont incendier plusieurs dizaines de véhicules et saccager les alentours. Donc voilà, c'est assez rare pour en parler. Comme jonction des luttes. Ouais, carrément. Et pour finir un peu sur... pas pour finir sur les années 90, parce qu'après, Yentl, tu vas en parler, mais il va y avoir un peu pas mal de luttes aussi un peu sur les soins. Et en 94, les soins vont plus être effectués en prison, mais dans des hôpitaux... Enfin, il y a des prisons, l'hôpital de Fresnes continue d'être... d'exister, mais la plupart des soins vont être effectués dans les hôpitaux classiques. Voilà. Et bah, du coup, Yentl, toi, tu veux nous parler de la suite des années 90 ? Ouais, bah, on va continuer. Donc, on arrive dans la deuxième partie des années 90, les organisations et les relais soutien extérieur sont beaucoup moins nombreux. On est un peu dans une période de creux. Néanmoins, il y a quand même toujours des prises de parole à l'intérieur. Et je vais vous lire un appel de prisonnière de Florie Mérogis qui a été écrit donc en 98 et co-signé par en décembre 98 et co-signé par 80 d'entre elles. Nous sommes les voix de l'ombre, femmes détenues. Pendant des siècles, les femmes ont été privées de leur voix et encore aujourd'hui dans de nombreux pays dans le monde, les femmes sont privées des droits élémentaires. Les droits de l'homme ont été longtemps une affaire d'hommes. Il y a beaucoup de lieux dans la société riche et opulente de la France où les droits de l'homme sont bafoués. Un de ces lieux est la prison. Nous en avons assez des beaux discours à l'occasion de l'anniversaire des droits de l'homme. Nous voulons voir les faits. En considérant que personne ne doit être soumis à un traitement qui porte atteinte à la dignité humaine, nous revendiquons l'abolition de la fouille intégrale après chaque parloir et l'abolition du quartier disciplinaire. En considérant que le droit à la liberté d'expression est un droit inaliénable de l'être humain, nous revendiquons l'abolition du contrôle du courrier après la phase d'instruction. En considérant que tous les hommes ont le droit d'être défendus, nous revendiquons la présence d'un avocat lors du passage au prétoire. En considérant que la situation du travail carcéral, si désuète dans sa rémunération, est proche de l'esclavage, nous revendiquons l'accès au SMIC pour les détenus, un salaire conforme aux intérêts syndicaux, les mêmes droits pour tous, sans aucune discrimination, un salaire égal pour un travail égal, et que le RMI, en gros l'ancêtre du RSA, s'applique ainsi qu'il l'est à l'extérieur. L'état d'une société se révèle dans ses prisons. Donc elles ont écrit ça dans le contexte du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. et pour montrer que bon bah il y a les beaux discours et il y a les faits surtout à l'ombre. Donc on arrive en 99, il y a le procès des évadés de 92 à Clairvaux, dont j'ai parlé tout à l'heure, évasion où un maton et un prisonnier avaient trouvé la mort. Donc ça va se passer aux Assises de Troyes en octobre et en novembre 1999. Pour les 7 évadés survivants, certains sont à l'isolement depuis 7 ans, depuis qu'ils ont été rattrapés. L'avocat général maintient une accusation de complicité de meurtre s'agissant du surveillant tué, parce que pour le prisonnier, bon, bah, c'est moins important. Et il y a un autre, beaucoup de points sensibles que le procès révèle, c'est l'enquête bâclée, il n'y a pas eu de reconstitution, il n'y a pas eu de prise d'empreinte. L'enquête administrative est tenue secrète et l'enjeu, c'est de savoir qui a tiré sur qui, d'où venait la balle qui a tué le maton. Et il y a des avocats qui montrent que les dépositions des matons sont très contradictoires et qui se sont serrés les coudes et qu'évacuent pas l'hypothèse que, en fait, dans la fusillade, c'est eux qui ont tué leur collègue d'une balle perdue. Et comment les armes sont rentrées dans la prison, ce qu'on sait que, bon, il y a des matons qui arrondissent leur fin de mois en faisant rentrer des trucs, quoi. Donc toujours est-il que la question des longues peines est au centre des débats, parce que les accusés, c'était déjà des gens en centrale qui étaient là pour des très longues peines et qui risquent d'en reprendre beaucoup, parce que la perpétuité est réclamée pour plusieurs des accusés qui, selon dit, vont prendre des peines allant de 6 ans à 20 ans. Donc là, on arrive au début des années 2000, et il y a une date importante, c'est 2001, c'est le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, et il y a un communiqué clandestin sous forme de vidéo que des prisonniers parviennent à faire sortir de la centrale d'Arles et à diffuser dehors, et peut-être qu'on pourrait en lire... on n'a pas le temps d'en lire quelques extraits, mais on mettra le lien du communiqué sur le blog. Mais en bref, pas grand-chose n'a changé depuis. Donc on s'avance un petit peu dans les années 2000, on arrive à 2003 où il y a beaucoup de révoltes à l'intérieur. On reste toujours à la centrale de Clairvaux. Le 8 février, il y a une révolte contre des sanctions abusives contre un prisonnier. Le bâtiment est saccagé, le système électrique, les caméras, le réfectoire est détruit, et donc les prisonniers tiennent le bâtiment pendant 7 heures. Et suite à ça, il y a une réduction des possibilités de mouvement dans les tôles. Et Clairvaux, c'est la première centrale à adopter le régime porte fermée en journée. Et donc, il y a une nouvelle révolte le 16 avril en réaction à cette mesure et à diverses conditions de merde imposées par une direction très dure. C'est que les ateliers du bâtiment B sont incendiés par 80 prisonniers. Il y en a pour 4 millions d'euros de dégâts. 12 prisonniers sont inculpés, ils vont prendre des peines de 18 mois à 7 ans. Et donc, suite à ces révoltes, il y a un tournant répressif par Perben qui décide de créer les ERIS. C'est ça, les ERIS, qui sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité, donc sont bien créées par le ministre de la Justice, Dominique Perben, dans le cadre de 9 mesures prononcées juste après les révoltes de Clairvaux, qui elles-mêmes interviennent quelques jours après l'évasion de la centrale de Moulins. Donc les ERIS sont choisis dans le corps des matons, ils sont une centaine, répartis en 9 équipes régionales et une équipe nationale. Ils sont formés pendant 10 semaines à l'ENAP, c'est l'École nationale d'administration pénitentiaire, ainsi que quelques jours avec le GIGN. Et en fait, ils vont étudier théoriquement et apprennent par l'usage de la violence comment mater un mouvement de prisonniers, comment faire de grosses opérations de fouilles, comment escorter des prisonniers qu'ils jugent dangereux ou sensibles. Armés comme des robocops, intervenant avec la cagoule, ce n'est que 5 ans après leur création qu'ils ont eu l'obligation de filmer leurs interventions. Et il me semble qu'il y avait un certain Didier Lallemand qui était à l'administration pénitentiaire à ce moment-là et qui s'est un peu fait la main niveau répression. Ouais, je ne sais plus c'était quoi exactement son rôle, mais ouais. Ouais, il était dans ces bails-là. Donc, on est sur 2003. Alors, à ce moment-là, il y a un panel de lois qui s'appelle les lois Perben, qui sont très fourre-tout. Donc, celle de 2003, en plus des ERIS, il y a des trucs pour renforcer la répression dans les prisons, notamment par l'extension de la surveillance technologique. C'est le début des brouilleurs pour les téléphones, le recours à la biométrie, au rayon X... Bon, on vous renvoie une brochure qui s'appelle « Technologie et prison », qui parle de tout ça. Et donc les lois Perben, elles sont promulguées entre 2002 et 2004 en 3 temps. C'est aussi le début de la période de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, tout ça. Il y a la création de nouveaux lieux d'enfermement, les centres éducatifs fermés, les établissements pénitentiaires pour mineurs, des réformes de la garde à vue. En 2004, il y a l'introduction du plaidé coupable, la création du mandat de recherche, la possibilité de prolonger les gardes à vue, des trucs sur la surveillance policière, enfin tout un fatras, voilà. Donc, pour conclure, que dire On est désolé de finir sur une note répressive. Et merci la gauche au pouvoir qui a fait passer des QHS au QI et de l'abolition de la peine de mort à l'extension des peines sans fin. Et que voilà, il y a quand même des prisonnières et des prisonniers qui s'y sont pas trompés et qui ont réussi à s'exprimer en renversant ces symboles-là. Et on va se quitter sur cette note. Ouais. On espère qu'on ne vous a pas trop perdu et qu'on vous a intéressé. On se retrouve dans 2 semaines, même heure et même endroit. Enfin, nous, on sera au même endroit, en tout cas. Et on va finir avec la chanson « Il y a du baston dans la tôle » de Gomard, qui est le générique de « L'envolée ». Et qui est assez représentatif de... Le titre est parlant. Voilà. Voilà. Et aussi des années 2000. Et c'est aussi la création du journal L'Envolée en 2000. C'était l'occasion de le dire parce que c'est aussi la suite de toutes ces revues et émissions de radio qui ont commencé il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, salut, bonne soirée, force à tous et toutes les enfermées. Salut. Ça fait 2. Dans une putain de cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. Je pionçais dans mon lit. Soudain la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a des barres dans la tôle. Y'a des bastons dans la tôle. Y'a des bastons dans la tôle. Café les mecs ça va saigner. Le morceau commençait à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous les mecs, mecs à saccager les pioles. Allez les potes, on se paye une petite fête. La carrive est l'ardue avec des mitraillettes. Y'a du basse devant la tôle. Y'a du basse devant la tôle. Y'a du basse devant la tôle. Café des mecs, ça va suer. Y'a du basse dans la tôle. Y'a